Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection. À droite. Il est interdit d'aller tout droit ou de tourner à gauche.